L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Faire de la politique. Tout scientifique digne de ce nom fait de la politique. Faire de la politique, c'est convaincre de réaliser des projets, les siens ou ceux des autres. Pour convaincre, il faut savoir méditer et philosopher. Cela permet de faire naître une hypothèse supérieure, c'est-à-dire la possibilité de convaincre plus facilement par le dialogue et le lien de son savoir. Cela nécessite de contredire les auteurs scientifiques, comme l'a fait Einstein avec Newton. En effet, certains auteurs scientifiques suivent une lignée d'autres auteurs. Les auteurs scientifiques empiristes, c'est-à-dire ceux qui se fient à ce qu'ils voient, pour réaliser ce que leur direction veut, ne peuvent trouver quelque chose de nouveau. En effet, les découvertes scientifiques doivent passer par le test, l'hypothèse, l'expérience et la recherche de la vérité scientifique, c'est-à-dire la recherche de sa propre vérité qui devient la vérité au fur et à mesure. Pour qu'un scientifique puisse réellement faire ce qu'il veut, il doit faire de la politique. La logique est la même que pour le changement de paradigme. Einstein faisait de la politique. Cela lui a permis de réaliser ce qu'il voulait. Ces changements de nationalité n'étaient que des épreuves politiques données aux pays qui ne soutenaient pas ses idées. Lecture. Lire certains livres d'Einstein les plus accessibles. Mes notes. Élaborer votre projet, essayer de convaincre les autres de le réaliser, faire un bilan et évoluer. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.